Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour, bienvenue à tous sur le numéro 12 de notre émission Démocratie participative. Comme chaque semaine, nous abordons l'actualité sur un ton, comme vous le savez, consensuel. Et je vais commencer par vous inviter à nous suivre sur YouTube et sur nos différents moyens de communication. YouTube, vous tapez Démocratie participative et vous abonnez à notre chaîne. Également sur Facebook, de la même façon, Démocratie participative. Vous pouvez également nous adresser des messages par la boîte messages privés de notre page sur Facebook. Je vous invite également à partager nos vidéos le podcast de l'émission sur les différents réseaux sociaux avec vos amis ou vos proches. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous écrire à notre adresse mail démocratie participative d'un seul tenant. Sans accent sur démocratie, @mail.ru. Démocratie participative, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Cette semaine, je pense qu'on a des sujets assez intéressants à traiter, assez polémiques aussi. Mais avant cela, je vais m'empresser de vous introduire nos participants. Alors, on a Alexis. Alexis, salut Alexis, comment ça va? Comment vas-tu? Très très bien, bonsoir à tous. Fulbert, le plus belge des nationalistes, ça te va? Ça me va, bonsoir à tous. Gérardus, comment vas-tu Gérard? Ça va bien, merci. Bonsoir à vous, chers amis démocrates, et puis bonsoir aux auditeurs. Argyle, dont j'aime à le répéter, les interventions sont suivies et appréciées. Merci beaucoup pour ces compliments, écoute, ça va bien, tranquille, ça va même de mieux en mieux. Genre. Pareillement. Hopman America, comment vas-tu, Captain America? Eh bien, bonne journée à tous. Le Captain va très bien et j'ai envie de dire la démocratie Uber Alles. C'est vrai ça, la démocratie pour tout le monde. C'est aussi mon credo. Alors, une nouvelle participante, vous aurez remarqué que je parle au féminin. Mathilde, bienvenue Mathilde. Merci, bonjour. Alors Mathilde, bonjour à tous. Mathilde, c'est la première intervenante. Féminine qui intervient et je suis sûr qu'elle a plein de choses à nous dire. Porovic, comment vas-tu Porovic? Shalom aleikum, ça va, toujours la fureur de vivre. Ah ouais, James Dean, ça nous rappelle des souvenirs, évidemment. Alors, première rubrique, chers amis, vous la connaissez, ai-je besoin encore de la présenter, autisme radical. Je tiens d'ailleurs, en aparté, à remercier ceux qui nous suivent parce que, et je pense notamment à Céline, il se reconnaîtra. Céline qui nous envoie des petites références comme ça très utiles dans nos petites rubriques et j'invite tous ceux qui nous écoutent à participer et comme je le dis hein, avec notre page Facebook, envoyez-nous des suggestions, des articles, des informations que vous avez lues qui vous paraissent pertinentes, on pourra éventuellement les traiter. Alors, rubrique numéro 1, autisme radical, l'autisme de nos contemporains, les plus déphasés, j'allais dire, de la semaine. Et, sans transition aucune, commençons avec ce maire socialiste de la commune de Roussy-Saint-Antoine, dans le 91, commune où ont été arrêtés, hein, je crois, les candidats à l'attentat à la bonbonne de gaz près de Notre-Dame de Paris. Maire socialiste, donc, qui, sur les lieux, est interpellé par un passant qui lui fait observer que finalement, la classe politique, socialiste en tête d'ailleurs, est largement responsable de la menace islamique, évidemment. Alors, voici ce que dit le passant, je cite, hein, c'est en vidéo d'ailleurs, c'est filmé par iTélé, voici ce que dit le passant. Vous avez voulu le mélange des peuples, eh bien vous l'avez. Vous avez les Arabes dans la police, dans l'armée. Donc ça c'est ce que dit le passant, effectivement, il pointe du doigt le fait que maintenant, à cause de l'immigration, cette immigration s'infiltre partout et qu'effectivement, dans la police et dans l'armée, il y a beaucoup d'immigrés. Alors le maire de cette commune s'appelle Romain Collat, et il le coupe, hein, il lui dit tout de suite, et d'ailleurs ils sont en train de vous protéger, les Arabes dans la police, et vous devriez les respecter. Le jour, et il poursuit, hein, le jour où la guerre arrive, ce sera à cause de gens comme vous, à cause de vos propos de haine. Donc, selon le maire socialiste, c'est parce que les gens observent la réalité que la guerre surgit. Hein. Et ensuite, il précise que le passant en question est l'allié objectif de celles et de ceux qui veulent créer des tensions dans notre société, une tension ethnique au passage. Et de conclure, donc le maire, il est la réponse que veulent de nous les terroristes. Et nous la refusons. Donc nous refusons donc évidemment d'amalgamer. Donc je voulais votre commentaire. Que pensez-vous de cette observation, très tendue d'ailleurs en vidéo, hein, entre ce maire socialiste pris à partie qui dit en fait que les Arabes sont là pour nous protéger des Arabes, justement. Il faut absolument que les gens qui nous écoutent voient cette vidéo. C'est hallucinant le degré de haine du maire vis-à-vis de son administré, du brave type qui dit quelque chose de tout à fait sensé. Et l'agressivité du maire. Et ce qui est assez étonnant, donc cette agressivité, je ne pense pas qu'il aurait eu la même s'il avait été interpellé par des islamistes, par des extrémistes noirs qui auraient manifesté pour je ne sais quelle racaille tuée par la police, ou soi-disant tuée par la police. Donc la haine qu'il a vis-à-vis du blanc, où il se dit de toute façon tout est permis vu qu'il tire des propos voilà, considéré comme raciste, là je peux me défouler devant la caméra, mais tu vois, le mec est ivre de haine, quoi. Et là, il sent en plus que tu sens bien qu'il n'est plus là pour présenter les Français de souche, il est là pour représenter son électorat afro-maghrébin qui, de toute façon, vu son agressivité en cas de problème, il préfère se mettre dans la poche ces types-là. Donc là, il achète la paix sociale et son élection grâce à une attitude de soutien conditionnel aux Afro-Maghrébins, devant le Français de souche, malheureusement âgé, qui doit vivre dans cet enfer qu'est cette ville. Alors, il faut savoir aussi que cette ville, c'est Boissy-Saint-Antoine, avec le slogan officiel « La ville du vivre ensemble ». Voilà, c'est tout un symbole. Mais vraiment, cette vidéo, elle est fascinante. Oui, alors, il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est bien, dans le contexte de la tentative d'attentat de Notre-Dame, si quelqu'un veut juste en dire un mot, hein, en fait, pourquoi cette course-poursuite s'est terminée dans cette commune, pour qu'on comprenne pourquoi, en fait, il y a eu soudainement les médias qui sont déployés et pourquoi la réaction de cette personne. Si quelqu'un veut intervenir là-dessus. Oui, pas forcément pour répondre à la question précise que tu dis, mais par rapport, pour rebondir sur les propos d'Argaï, la question que je me pose toujours quand je vois ce genre de réaction, c'est quel est le degré de sincérité réelle de ce maire quand il dit ça ? Est-ce qu'il croit à ce qu'il dit réellement ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce que c'est une conviction réelle ? Est-ce que c'est de la lâcheté ? Est-ce que c'est juste électoraliste ? Ou est-ce qu'il a peur ? Il est menacé de mort ? Moi, je ne sais plus. Je me pose beaucoup de questions, même quand je rencontre des gauchos autour de moi, qui ont l'air convaincus de ce qu'ils disent. J'arrive pas à savoir. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, l'élu socialiste, en général, est très cynique. Donc, moi, je pense qu'il est dans une optique électoraliste où il sait que, de toute façon, il aura toujours plus intérêt à acheter la paix sociale avec un électorat hypothétique afro-maghrébin qui se retournera contre lui quand ils seront majoritaires d'ailleurs, il aura toujours plus intérêt à les servir en premier plutôt qu'à s'occuper des problèmes des petits blancs. Voilà, il se trouvera toujours suffisamment de cons petits blancs pour voter pour lui, mais voilà, il faut qu'il achète sa tranquillité et la paix sociale en favorisant les afro-maghrébins. Donc là, clairement, devant les caméras, il s'est senti obligé de surjouer et de s'en prendre à ce brave type qui... Puis ça, c'est beaucoup un truc de politique, c'est quand il y a les caméras, s'en prendre à un pauvre gars qui n'est même pas militant politique, rien du tout, tu vois, qui sort une vérité. D'accord. Et ça, ils aiment bien faire ça. Ouais, ce que j'allais dire, Mathilde, en fait, c'est que la réponse à ta question, elle dépend de la personne à qui tu parles. Si tu parles effectivement des responsables politiques, ce sont des gens qui ont acté le changement de population dont ils sont responsables, qui jouent justement vrai, sur ouais. ça pour se maintenir au pouvoir. Mais si tu parles à des militants de base, ce sont des gens qui sont véritablement en fait convaincus par la propagande D'accord. permanente et qui vivent ces idéaux-là de façon sincère. Voilà. D'accord. Moi, je traîne malheureusement dans des milieux qui sont assez éclectiques, apolitiques, tendant sur la gauche, et je rencontre assez régulièrement des gens qui ne sont d'ailleurs pas bêtes, hein, qui ont un QI assez, qui ont un QI correct, qui pourraient être des gens tout à fait fonctionnels, mais oui. qui ont pour des raisons qu'elles soient enfin, personnelles, sociétales et compagnie, complètement avaler le discours ambiant, quoi. D'accord. Voilà. Ok. C'est ce que je me pose comme question régulièrement quand j'entends, par exemple, une de mes collègues qui est vraiment le stéréotype même de ce genre de personne. Et ça fait 5 ans que j'essaye de temps en temps dire des choses, mais je sens que voilà, ça rentre pas, quoi. Alors en fait, ce qui peut rentrer éventuellement, c'est jouer sur la logique. C'est-à-dire que si tu tombes face à des gauchistes qui sont intellectuellement honnêtes et qui sont capables de raisonner, tu peux les baiser sur leur propre terrain en faisant, en parlant justement de logique. Bref. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu ce qui s'est passé pour 2-3 autres collègues, où ça, ils ont réellement évolué, je dirais pas grâce à moi, hein, grâce à tout un tas de choses, et parce qu'ils ont quand même une logique et une certaine honnêteté. Et il y a des éléments sur lesquels tu sens que voilà, ça, ouais. c'est presque définitif, presque jusqu'à la mort, quoi. Pour certaines personnes, oui, mais par exemple, un exemple qui me vient en tête. Si quelqu'un dit « il faut apprendre aux musulmans à ne pas poser de bombes », on va le traiter de raciste, de xénophobe, de ci, de ça. Mais si quelqu'un dit « il faut », c'est ce que disent d'ailleurs les féministes, quand les féministes disent « il faut apprendre aux hommes à ne pas violer », ah là, attention, plus personne ne dit rien. Et donc, c'est en se servant justement de leurs éléments de langage, en les ridiculisant par la logique, qu'on arrive à les faire changer de temps en temps. Voilà. Je voudrais rebondir sur le propos du monsieur, de ce pauvre monsieur qui a servi de punching ball à ce connard de Romain Collabo. Et je trouve que c'est très pertinent ce que dit ce monsieur. Effectivement, on peut se poser la question de ce que va du comportement de ces Arabes, de ces Noirs, hein, de ces Nègres, pardon, qui sont dans la police ou dans l'armée. On peut vraiment se poser la question. Et j'aimerais bien qu'on aille revoir M. Romain Collabo le jour où on va se rendre compte qu'il y a des collusions entre des agents de police ou des militaires qui retournent leurs armes contre l'État. J'aimerais bien qu'on le revoie, ce monsieur. Ben, écoute, on manquera pas de le revoir, je pense. Hein. Alors si, si je... est en jeu... Non, malheureusement, il faut passer à la séquence suivante. Je suis désolé. Okay. Point numéro 2, sujet numéro 2 de notre rubrique autisme radical. Alors, complètement différent. Transphobie. Alors ça, c'est le truc... Attends, ça a l'air de rien, mais je sens le tsunami se dessiner à l'horizon. Le tsunami, tu vois, anti-transphobie. Donc, vous savez qu'on est dans un monde de phobie. Tout le monde est phobe de quelque chose. La transphobie, c'est la phobie des trans, hein, des transsexuels. Hein, donc, les personnes qui ont changé de sexe. Alors, l'anecdote est la suivante. Elle est prise très sérieux par Europe 1, un média qu'on ne peut pas prendre, enfin, qui n'est pas du tout marginal. Bah, c'est ce qui se passe. Le 5 septembre dernier, sonnait la fin des vacances pour l'équipe du grand journal de Canal+. Donc là, je cite Europe 1. Hein. L'occasion de présenter les nouveaux chroniqueurs, parmi lesquels la journaliste transgenre Brigitte Boréal, accrochez-vous, et Ornella Fleury, la nouvelle Miss Météo. Et l'alchimie n'a pas vraiment pris sur le plateau. Alors que l'association des journalistes LGBT et les réseaux sociaux se sont félicités de la présence sur le plateau de Canal+, de Brigitte Boréal, faut voir le tromble entre nous, celui-là, hein, les stéréotypes sur les transgenres, stéréotypes, marquez votre truc. On refait surface. Dans un premier temps, le chroniqueur et humoriste Lamine Lesgag a glissé un mot comme le suivant. Nous, les mecs, quand on est stressé, une petite masturbation, ça détend. Niant par là l'identité de femme de Brigitte Boréal. Dans la suite de l'émission, Ornella Fleury l'a salué d'un bonsoir, monsieur, madame, enfin, Brigitte. Enfin, d'enchaîner sur Brigitte, on te connaît très peu, et du coup, je trouve ça un peu excitant, ça me donne envie de faire un plan à trois. Des propos immédiatement dénoncés par l'AJL, donc l'association des trans machin truc, journalistes, je sais pas quoi. Ces remarques ne sont pas drôles. Ça, c'est ce que dit le communiqué de l'organisation en question. Elles sont injurieuses. Elles nient le fait que Brigitte Boréal est une femme, donc le mec, quoi. Sous-entendant qu'elle serait aussi simultanément un monsieur, entre guillemets. Elle la renvoie à des questions d'ordre sexuel et génital. Rapporte Libération. Évidemment, il ne manquait plus que cela. L'association fait également remarquer que personne n'a réagi sur le plateau. Alors, voilà, donc Canal+, pourtant qui est très en avant-garde sur ces questions de dégénérescence sexuelle et sociétale, visiblement, est encore un petit peu en retrait. Hein. Alors, il y a Libération, il y a la patrouille, rattrapé par la patrouille, ils doivent rendre des comptes, il y a Libération, Europe 1, l'association des LGBT trucs, machin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette visiblement nouvelle, de ce nouveau terrorisme émergent, qui est le terrorisme intellectuel visant à réprimer toute critique, en fait, des dégénérés que sont les transsexuels? Moi, je trouve ça absolument savoureux. Canal+, qui voulait faire sa rentrée avec, voilà, son, tu sais, c'est comme dans les foires, avec son nouveau monstre, en disant, c'est chouette, là, on fout un travelot. Puis alors, vraiment, c'est vraiment, ça fait trans-travelot, quoi. Je veux dire, il n'y a pas le moindre doute comme quoi c'est un mec sous la perruque, enfin, voilà, et qui doit avoir une grosse tub dans le calbar. Donc, j'ai trouvé ça savoureux. C'est que Canal+, qui veut, voilà, qui veut en faire plus, qui veut surjouer en matière de gauchisme et de dégénérescence, se fasse attaquer sur le fait que voilà son nouveau transsexuel qu'ils ont mis à l'antenne avec une croix aussi, et ça c'était aussi l'ultime provocation, ils mettent une grosse croix autour du cou, et donc se fait attaquer par les associations protégeant ces dégénérés, et donc se retrouve, en fait c'est l'effet inverse de ce qu'ils recherchaient. Ils voulaient se faire voir qu'ils étaient cool et que ils avaient des trans maintenant dans leur émission, et ben ils se font emmerder par les associations parasitaires qui sont prêtes à défendre tout et n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il faut s'en réjouir, c'est tout à fait intéressant. Bah, c'est aussi un peu la fin de l'esprit Canal, qui voulait qu'on puisse rire de tout, y compris de choses un peu difficiles. Et bah là, c'est fini. Sachant que de base, c'était juste une petite blague, quoi. C'était pas non plus une grosse critique ou des propos vraiment qui cherchaient à exprimer une haine des transsexuels ou quoi que ce soit. Et bah, à tel point que la Brigitte, enfin Philippe de son prénom, de son vrai nom. Et comment les chroniqueurs des grosses têtes font régulièrement des vannes sur les PD et sur Ruquier, et ça passe très bien. Bien sûr. Il y a même, l'humoriste Thomas Eboué, je crois il doit s'appeler comme ça, il me semble, qui fait des vannes sur les Juifs à Elie Semoun. Et Elie Semoun qui fait des vannes sur les Noirs, et ça passe. Et par contre, là, un truc totalement dérisoire, et vu que c'était à la télé, peut-être, je ne sais pas, et là ça passe pas. Donc, mais le pire, c'est que toutes ces associations arrivent associations, groupes de gauchistes arrivent à peu près à s'entendre à partir du moment où on appuie sur l'accélérateur de la dégénérescence, mais là, apparemment, il y a eu un couac. Mais le dégénérescence, pire, c'est... Dégénérescence ou progressisme, faut savoir, parce que on se souvient de Robert Rue, par exemple, qui avait défendu, qui lui fait peut-être partie de la minorité opprimée des nains de jardin, je sais pas, en tout cas, il ressemble à ça. Robert Rue est très grand, au passage. Ah, je ne savais pas. Mais qui défendait, enfin, qui était aux côtés de ceux qui étaient choqués de la manif pour du mariage homosexuel. Donc c'était une grande prestation de la part de Robert Rue, c'est qu'il faut être progressiste, il faut être pour ce qui est moderne, ce qui est nouveau, ce qui vient d'arriver est nécessairement mieux que ce qu'il y avait avant, et les gens qui s'en étonnent ou qui s'en choquent sont des gens qui sont bêtes, qui sont arriérés. Et puis même d'ailleurs, cher ami Gandalf, tu as parlé de LGBT, je te signale que l'usage de ce vocabulaire te place déjà à la droite d'Hitler, comme dirait Gérard Darmon, puisqu'il faut dire LGBT, LGBTIQ. Parce que c'est lesbien, gay, transsexuel, intersexuel et queer. Donc déjà, il faut mettre un jour un petit peu le logiciel. Oh là putain, mais il y a des extensions, moi j'ai pas acheté le pack. Hein. ce qui me fait marrer, moi je sais pas. S'il faut que je m'étonne que Canal+, qui sont des dégénérés pas possibles, nous fasse le coup du transsexuel... Où, sachant que les mecs sont tous sous cocaïne et antidépresseurs, enfin bon, c'est Canal+, ou que c'est les autres connards d'associations parasitaires, là, subventionnées à un grand coup de pognon public, qui viennent chialer pour deux, trois petites blagues, ou si je dois m'étonner que c'est les putains de journaux de merde subventionnés eux aussi, qui relayent ça, quoi. Mais quelle chiasse! Franchement, Europe 1, on n'a pas mieux à faire. Je note qu'Europe 1, de plus en plus, ils sont très tatillons sur l'antifascisme, l'antiracisme, tous ces trucs-là. Et ça rentre dans le truc. Mais je l'ai remarqué, ça a complètement changé depuis quelques mois. Il y a un de leurs journalistes qui se signale, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais ce n'est pas anodin. Hein. Je veux dire, il y a clairement une nouvelle ligne. Europe 1, avant, c'était pas ça. Hein. Europe 1, c'est très généraliste. Non. Très, très, vous voyez, c'était très bon là. Mais regardez le délire, quoi. Ils sont en train de faire venir à grands frais des millions d'Allah Akbar radicalisés, et ils sont là en train de faire leur petite polémique sur les transsexuels. Ah non, on dit pas comme ça. Mais putain. Bah oui, bah, c'est le projet des gauchistes, c'est-à-dire qu'ils sont complètement fous. tu vas mettre à côté un coupeur de tête musulman qui veut, si tu veux, qui veut bâcher ses femmes et balancer les homosexuels du haut des immeubles, et à côté tu vas lui mettre une gay pride. Voilà, ces gens sont fous et leur projet de société est aussi, à mon avis, assez proche de ça. Quoi. Vraiment, on a l'impression que c'est le débat sur le sexe des anges pendant la prise de Byzance, quoi. C'est, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors, le débat sur le sexe, oui, des anges, certainement pas. Ben, c'est un autre signe de dégénérescence d'une société où on prétend que les individus peuvent choisir leur sexe. C'est un petit peu le fond du sujet de la théorie du genre. Et c'est révélateur aussi de gens qui ne veulent pas accepter leur apparence. Et on peut changer son apparence par la chirurgie esthétique, on peut changer de sexe, on peut changer de ceci, cela. Alors que normalement, une personne équilibrée, normale, essaie de faire au mieux avec son corps, avec son esprit, essayer d'exploiter au maximum ses qualités plutôt que de vouloir changer systématiquement son apparence, son sexe, ou vouloir se plaindre aussi de tout et de rien, alors que des sujets bien plus graves nous agitent. Sujet suivant. Alors, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons non plus, mais encore une fois, on change complètement de sphère. Un djihadiste sous surveillance s'enfuit sous les yeux de ses geôliers d'ailleurs, hein. Enfin, geôlier, demi-geôlier. Alors, de qui est-ce que je suis en train de parler? Eh bien, je parle de Merwan Benhamed, hein, donc un Auvergnat de souche, ancien membre du GIA, hein, donc groupe islamique armé algérien, vous connaissez ça, condamné pour terrorisme et assigné à résidence. Il a pris la fuite ce jeudi, hein, jeudi cette semaine, à Évron, dans la Mayenne, selon donc les médias locaux. Alors, Merwan Benhamed, il était censé pointer 4 fois par jour à la gendarmerie. Ce qu'il n'a pas fait jeudi matin, c'est ce qu'a dit donc la radio locale, et du coup depuis les autorités françaises ont émis un mandat d'arrêt international, les forces de sécurité le recherchent activement. Alors, qui est ce monsieur? Alors d'abord il faut expliquer que ce type est un terroriste itinérant, je m'explique. C'est quelqu'un qui est logé dans des villages, ici ou là, partout en France, dans des communes, sous surveillance soi-disant, il doit pointer 4 fois par jour à la gendarmerie comme je l'ai dit. Pourquoi est-il soumis à un tel régime alors que ce serait un terroriste? En fait, il a purgé déjà une peine de prison pour être lié à des réseaux islamistes dits tchétchènes ayant cherché à commettre des attentats en France dans le passé, mais il a purgé sa peine et à la fin de 2010, il a été question évidemment de le relâcher. Problème. Ce monsieur, en fait, est passible. Il a été relâché en 2011, exactement, excusez-moi. Ce monsieur, en Algérie, est passible de la peine de mort pour ses activités de terroriste. Devant être expulsé par la France, selon la loi, vers l'Algérie, c'est un citoyen algérien, la France le garde. Pourquoi, d'après vous? Eh bien, tout simplement. Parce que, étant passible de la peine de mort pour ses activités en France, la France veille à ce que sa vie ne soit pas mise en danger. Eh bien, ce djihadiste, protégé par le gouvernement français et au nom des droits de l'homme, est donc maintenant en fuite. Et c'est quelqu'un, il faut le savoir, qui n'a jamais renié ses actes et qui est donc un djihadiste endurci. Et donc, j'aimerais avoir votre opinion sur ce monsieur qui fait l'actualité du moment. Alors moi, je ne vais pas parler du monsieur, mais je vais parler du principe des droits de l'homme. Comme on peut le voir dans cette histoire-là... Non, attends. Moi, je veux qu'on parle du monsieur. Après, on pourra élargir, mais je veux qu'on parle du monsieur. Il y a un joli CV, le monsieur, je trouve. Vas-y, surtout qu'il me semble qu'il s'était fait remarquer parce qu'il avait tenu des propos dans les médias où, en gros, il expliquait qu'il ne regrettait absolument pas ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas repenti pour un sou. C'est un pionnier du djihadisme, il faut comprendre ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une guerre civile terrible en Algérie dans les années 90, opposant islamistes et pouvoirs, on va dire, issus de la décolonisation du FLN, etc. Et ces gens ont quand même été la matrice de quelque chose. Hein. Ils étaient soutenus d'ailleurs par la nébuleuse djihadiste internationale, Al-Qaïda et compagnie. Et ce type-là n'est pas n'importe quoi. C'est quand même quelqu'un qui se situe à un moment particulier de l'histoire du djihadisme, dont, j'allais dire, les rejetons sont aujourd'hui ceux que l'on voit en action sur le territoire français et ailleurs. Hein. Et effectivement, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais renié. Hein. Son avocat a déclaré qu'il soutenait dans sa démarche de ne pas aller pointer parce que le pointage a priori était illégal. Il disait que c'était un traitement infamant et que la décision de le faire pointer 4 fois par jour. Donc apparemment il avait déjà fait précédemment de ne pas aller pointer. Mais c'est vachement agréable ce genre d'infos, c'est de savoir qu'on a ce genre de malade, parce que bon, on entend parler de lui, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qu'on peut très bien voir débouler à côté de chez soi. J'imagine que les logements qu'il occupe, parce que si tu pointes 4 fois par jour à la gendarmerie, tu ne peux pas travailler. Je crois que ce brave homme a aussi une famille, donc je pense que c'est l'État qui doit lui payer son logement, oui. qui doit évidemment entretenir sa Fatma ou ses Fatma avec sa marmaille, et qui doit aussi donner une allocation à ce brave combattant du djihad. Donc c'est sympathique de savoir qu'on a ce genre de personne qui, a priori, est parti pour rester indéfiniment sur le territoire français. Donc peut-être qu'il va se faire sauter là pour l'Aïd el-Kébir, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça, j'espère que c'est encore quelque chose qui peut ouvrir les yeux des plus léthargiques de nos compatriotes. Oui, moi je voudrais dire quelque chose. Vas-y, oui, je t'en prie, bien sûr. Oui, bah, je voudrais dire justement, je me demande si maintenant les gens ne se disent pas, bah, voilà, c'est tellement gros qu'ils n'y croient pas. En ce moment, je suis en train de me demander ce que les gens vraiment entendent et retiennent. Je ne sais pas, j'arrive pas. J'ai l'impression que maintenant, ça devient presque... On s'habitue à tout, quoi. Ça devient banal. Le mec, il raconte son truc, son délire, et puis on se dit, bah ouais, oh, c'est un barge. Et puis il habite pas en face de chez moi, donc... Oh. Oui, voilà, c'est voilà, ça. Voilà d'arriver chez moi. Voilà, il est à 500 km de là. Bon, moi, c'est bon, je suis dans une petite campagne. Bon, pourvu que ça tombe pas sur moi, ma fille, mes enfants, je vais leur téléphoner pour voir si tout va bien, puis on passe à autre chose, quoi. Parce que ça les gens. Ça fait pour peur. Pour qu'ils réagissent. Ben ouais, on le sait bien, on le dit depuis des décennies. Mais là, c'est ce qui me blase le plus en ce moment, c'est de voir mes compatriotes plus réagir, plus oser parler de rien. Quand tu leur racontes un truc qui s'est passé, tout le monde tourne la tête et on a même peur d'en parler entre nous. C'est pas normal, quoi. C'est vraiment pas normal. Ouais, mais effectivement, il y a un cas, là c'était à Châtelain, le cas que tu évoques, mais le principe d'isoler les personnes et de les faire à la rigueur pointer, pas toujours d'ailleurs, à la préfecture ou à la mairie, ou à la gendarmerie plutôt, ça s'est produit aussi en Centre-Bretagne, et je sais que c'était dans un hôtel assez luxueux l'individu qui avait un profil similaire était également isolé, on pourrait aussi développer, est-ce que cette politique gouvernementale de vouloir essaimer un petit peu isoler, soi-disant, que ce soit les islamistes prétendus, les migrants entre guillemets, est-ce que c'est contre-productif pour eux ou pas? Je pense quand même que les gens petit à petit prennent conscience que peu importe où ils sont, ils peuvent très bien recevoir des charmantes personnes venues de l'autre continent très rapidement. Et ça, je pense tout de même que ça peut avoir un effet positif. Oui, sûrement. Il y a une radicalisation des Français, c'est certain. Par contre, la libre prise de parole est un peu plus compliquée, mais ça commence à venir. Rien que ce monsieur qu'on a vu, là, dont on parlait tout à l'heure, qui a parlé au maire de je ne sais plus le nom de la ville, à Boissy-Saint-Antoine, bon voilà, à mon avis, c'est une ville colonisée. Prendre la parole comme ça devant une caméra, sachant que tous les Noirs et les Arabes locaux vont repérer le papy, c'est couillu. Et il n'aurait peut-être pas fait ça il y a 10 ans. Il y a quand même une certaine liberté de parole des Français. Je crois qu'on le verra plus tard dans l'émission, vu les sujets qu'il y a à l'heure du jour. Mais il y a quand même une certaine rébellion. Il y a quand même certaines personnes qui sont poussées à bout. Et je pense que c'est tout à fait intéressant pour la suite des événements. Il y a quand même un réflexe de survie de la part de la population française qui, à mon avis, vu les événements et vu la colonisation migratoire qui se poursuit, va être de plus en plus accentuée. Donc voilà, il faut profiter de cette vague de rébellion, de révolte qui est comme toute relative jusqu'alors, pour en faire quelque chose de plus vindicatif et qui permettra aussi d'influer sur le cours des choses. Mais il y a quand même un mouvement de fond que moi j'aperçois chez nos compatriotes qui n'existait pas avant et qui se disent on va tous se faire buter. Ils voient un peu ce qui va arriver. Donc je pense qu'il faut surveiller ça. Oui, t'as raison, enfin, c'est vrai, oui, je parle attendez, de certains, mais il y en a d'autres qui... Oui, t'as raison, parce que sur l'ensemble de mes collègues, il y en a quand même la moitié qui parlent maintenant de manière plus dure que je ne le fais, moi. Parce que je les laisse parler, voilà. Alors, c'est échange très intéressant, mais vous allez voir qu'on va pouvoir continuer sur la deuxième rubrique, que j'ai intitulée rubrique collaboration. Je sens déjà que ce terme vous inspire. Alors, nous allons parler d'un sujet qui... Et exactement à la jonction de ce dont on débattait il y a quelques instants. Et ça se passe cette fois-ci dans la commune de Forges-les-Bains. Vous avez peut-être entendu parler de cette commune de l'Essonne, si ma mémoire est juste, qui doit accueillir un certain nombre de migrants, c'est-à-dire de clandestins qui ont été soudainement autorisés de séjour par le gouvernement, au seul motif qu'ils ont franchi la frontière illégalement, rappelons-le. Et donc, alors il y a deux choses. Premièrement, le centre qui devait accueillir ces masses de migrants a été incendié. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans la presse. Ça a suscité un émoi modéré. Hein. Bon, la presse a essayé de pousser le truc, mais tout le monde s'en fout. Clairement, la population était même très satisfaite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et sur ces entrefaites, il y a eu évidemment le maire a protesté, enfin il a chouiné comme on lui a dit de chouiner, le préfet a chouiné comme il a dit de chouiner, la presse a chouiné, mais on a dit on va faire un rassemblement et on va discuter de la situation. Bon, et là il y a une vidéo qui circule de ces échanges où on voit, en fait dans une salle communale, hein, où on voit effectivement la population qui était conviée et soudainement, en face d'eux, il y a le préfet, le maire et un activiste des droits de l'homme, on va y revenir. Alors, échange tendu, hein, échange très tendu, climat très très hostile à cette présence. Donc vous parliez d'un changement de l'état d'esprit général, c'est un fait. Échange tendu qui s'est conclu par des menaces clairement à l'adresse du préfet et des politiciens, et marseillaise entonnée à la fin. Alors, avant de vous donner la parole, je tiens quand même à donner, vous savez, quelques témoignages qui ont été rapportés par des personnes présentes sur les inquiétudes. Il y a eu parmi des personnes qui étaient là, parmi les habitants, et ça c'est la presse qui le relaie. Il y a des personnes qui ont fait observer qu'il y avait une menace pour la sécurité des femmes. Ils ont dit voilà, vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne, ça va se passer ici parce que ces gens sont des hommes. Ils sont relativement jeunes et on sait très bien que ça aboutit à un certain nombre de conséquences. Donc on voit que l'information circule malgré les médias dominants. Une peur aussi pour la sécurité des biens ou des personnes au sens plus large, la sécurité physique. Est-ce que vous avez vu cette vidéo et qu'est-ce que vous pensez de cette... Moi, j'étais assez impressionné de voir cette réaction populaire, une réaction très très populaire. Et alors, avant de vous demander votre réaction, je tiens quand même à dire la phrase qu'a dite le préfet face à cette hostilité, des milliers de personnes hostiles au projet sur cette commune de quelques milliers d'habitants. Ce centre se fera, le centre d'hébergement des migrants, ce centre se fera peu importe l'opinion des gens. Votre réaction, s'il vous plaît. Oui, je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Madi tout à l'heure, parce que là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que déjà, quand les gens sont touchés personnellement, quand ils sont touchés dans leur voisinage, et ben déjà la réaction, c'est pas tout à fait la même. Et là, on voit des gens très en colère, et voilà où il faut qu'on en arrive, et je crois qu'on y vient, c'est vraiment, il faut que les gens soient touchés. Et je crois que cette ventilation de négro qui a été décidée pour le camp, non pas de Sangatte, mais de Calais, la jungle de Calais, est une opportunité magnifique de réveiller le peuple français, et je me réjouis à l'avance que ce cas dont tu nous parlais aujourd'hui va bientôt se multiplier. C'est pour ça qu'il faut aussi encadrer les gens dans ce genre de réunion pour provoquer ce genre... Parce que dans ce genre de réunion, t'as aussi des gauchistes qui sont là pour les soutenir, donc c'est certain que des militants politiques doivent aller dans ces réunions et chauffer la foule et l'aiguiller de telle façon à ce que le débat ne soit pas escamoté. Parce qu'en général, tu vois, les gens essayent, enfin ceux qui animent ce genre, le préfet, les autorités, essaient de dire, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ils essaient de déplacer le débat sur de l'invasion migratoire, de la colonisation migratoire, sur le fait qu'il faut aider ces gens et comment. Ça, c'est leur truc, c'est de dire, oui, mais comment les aider? Il faut bien que des communes les accueillent. Et il y a des gens qui ne sont pas formés politiquement et qui se font, qui prennent la parole, qui disent, ouais, on n'en veut pas, et puis qui arrivent à pas se faire convaincre, mais qui n'ont pas les arguments nécessaires. Donc c'est pour ça que c'est très important d'investir ce genre de réunion où les gens sont à vif, ont une saine réaction. Et là, à Forges-les-Bains, c'était très bien. Ce qui a été fait, c'est peut-être on aura des alors... choses un peu plus agressives qui se dérouleront ailleurs, mais je crois que alors, attends, c'est... Moi, ça va se reproduire, je l'espère, un peu partout. T'as totalement raison, mais il faut bien rappeler qu'on est quelques jours seulement après l'incendie du centre. Faut rappeler qu'en Allemagne, d'innombrables pseudo-centres d'accueil de réfugiés en carton, parce que c'est tous des envahisseurs illégaux, ils viennent d'Afghanistan, partout, du Soudan, que sais-je. Ils ont été incendiés par des militants très courageux qui ont voulu empêcher l'invasion. Et là, dans cette commune, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est quelques jours après. La presse du système a cherché à criminaliser la population. Elle s'est pas dégonflée, faut quand même le saluer. Et c'est très bien ce que tu as dit. Tu as dit, ouais, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour dire, enfin, pour aider la population à se défendre, quoi. Mais là, le fait est que c'est objectif. La population s'est défendue toute seule. C'est-à-dire qu'on, elle a dit, on n'en veut pas. Et je vous soumets, enfin, je soumets à votre connaissance le fait qu'il y a eu une intervention. C'est qu'en plus du maire et du préfet, il y avait une cheville ouvrière d'une de ces associations soi-disant d'aide aux droits de l'homme, enfin, droits de l'hommiste qui intervient humanitaire, etc. Oui, les droits des bougnoules. Voilà, enfin, sur toi, hein, à ton détriment. Et alors, déjà le nom, c'est tout un programme. Aurélie El Hassak Marzorati, je sais même pas comment on prononce ça vraiment, j'ai fait un effort surhumain. Alors, elle intervient, elle prend la parole, c'est relayé par la presse. Hein. Donc, voilà, il y a la foule qui est en colère, qui dit, mais comment, vous voulez nous imposer cette présence, etc. Alors, elle prend la parole, elle commence, moi, je vous parle du projet, elle est coupée immédiatement par une foule en délire qui dit, on n'en veut pas, très massivement. Alors bon, elle continue à s'indigner publiquement, elle s'insurge, et elle finit par conclure, et là, je te rejoins, Argyle. C'est pour ça que je voulais le préciser. Ce sont, là je la cite, ce sont des hommes comme vous et moi, la seule différence entre vous et eux, c'est qu'ils vivent l'exil. Donc en fait, c'est la vieille ficelle de la psychologisation et de la culpabilisation. Vous êtes responsable, donc vous devez prendre sur votre dos ce fardeau de l'immigration halogène, alors que, excusez-moi, si ces gens sont tellement cons qu'ils incendient leur propre pays partout, du Soudan, à l'Irak, en passant par je ne sais où, pour débarquer en France, excusez-moi, c'est quand même de leur propre faute en premier lieu. Et c'est un fait. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur cette intervention perfide de ces militants professionnels? En l'occurrence, la femme dont j'ai parlé est une militante, une des principales responsables d'Emmaüs. Hein. C'est une maghrébine, c'est ça hein. Bah, elle a ça que, oui, ça sent pas tellement l'Alsace. Hein. Oui, donc, mais c'est toujours fait, pareil, c'est une maghrébine qui vient faire la leçon au petit blanc. C'est quelqu'un qui vient te dire, mais t'es un enculé de raciste parce que tu ne veux pas te faire envahir par toute la pouillerie du tiers-monde. Ouais, c'est voilà, avec l'arrogance de la maghrébine, ouais, c'est vraiment... oui, voilà, c'est pour nous la mettre, mais sans vaseline, quoi, avec du gravier, quoi. C'est elle qui vient faire la leçon au petit blanc. Donc tu m'étonnes que la foule devait être chauffée à blanc et qu'ils ne l'ont pas laissé terminer. En fait, c'est le même processus que le maire communiste, là, comme on a parlé dans la première cas. C'est toujours, en fait, une inversion du problème. C'est-à-dire qu'ils sont responsables, mais comme ils ne veulent pas entendre, qu'ils ne veulent pas être accusés, ils nous accusent d'être les responsables des problèmes qu'ils eux-mêmes créent, en fait. Oui, et puis, je sais pas, quand j'étais à l'école primaire, il y avait les opérations en Somalie, il fallait que chacun apporte un paquet de riz, puis c'était envoyé en Somalie, donc sous-entendu, l'idée, c'était, les Somaliens, ils sont chez eux en Somalie, ils sont pauvres, ils ont faim, il faut leur envoyer un truc à manger, mais il était absolument pas question qu'ils viennent chez nous. Et là, il faut les aider nécessairement, c'est les accueillir chez nous. Quand on sait comment ils se comportent, on avait parlé déjà de plein de choses lors des émissions précédentes, il faudrait parler aussi quand on leur donne de la nourriture, ils l'utilisent pas forcément, ils réclament parfois du halal, ils réclament parfois plein de choses, on leur donne de bouteilles d'eau, parfois ils jettent la moitié, parfois ils n'ouvrent même pas les bouteilles, ils les mettent à la poubelle, c'est la même chose pour les paquets de nourriture, et parfois aussi quand ils viennent, on les voit sur les bateaux avec leur iPhone 5 ou iPhone 6, que sais-je encore, ils sont parfois pas si pauvres que ça, semble-t-il. Et Somalien est particulièrement évolué. Je pense que Gandalf est plus calé sur la question que moi, mais là, on a affaire à vraiment du QI au ras des pâquerettes et des gens qui sont capables d'une violence absolument inimaginable. Astérix nous avait fait un magnifique portrait du Somalien en Suède. Je vous renvoie aux émissions précédentes. Ouais. C'est un fait, et puis c'est quand même... ce sont quand même les... J'allais dire le cœur et l'âme de la piraterie dans la corne de l'Afrique. Hein. On parle quand même pas des... C'est pas des enfants de cœur, les cocos. Hein. Tu leur files une machette, une kalachnikov, ils savent s'en servir. Hein. Tu leur mets une coquille noix sur la flotte, les mecs ont déjà de raqueter le grand commerce maritime. Donc bon, effectivement... bon, mais ouais, ce qu'il faut leur répondre quand même... Ils ont beaucoup de testostérone, je crois, en Suède. Ce qu'il faut leur répondre quand même à cette mouquère, quand elle dit « mais ce sont des gens comme vous et moi ». Bah non, justement, c'est bien le problème. C'est qu'ils sont pas comme nous. Oui, c'est ça, c'est tout le problème. Ils sont comme elles. Oui, peut-être. Ils sont comme vous, mais pas... Non, ils sont comme moi, mais pas comme vous. Ça serait plus correct, effectivement. Alors, je voulais simplement en parler. C'est un sujet qui mériterait d'être traité plus amplement, mais comme on cherche à désengorger Calais, n'est-ce pas, cette espèce de plaie purulente de l'immigration africaine et musulmane en Europe, elle commence à dégouliner sur ordre du gouvernement socialiste qui cherche à désengorger, j'aime beaucoup l'expression de notre ami Porovitch, de ventiler les nègres dans les différents départements. Effectivement, très logiquement, on impose des camps de migrants, enfin on impose des micro-calais partout, et vous êtes là, vous êtes dans votre commune, tout va relativement bien, enfin vous essayez déjà de faire en sorte que votre vie se déroule à peu près bien, celle de vos enfants aussi, et puis soudainement on vous colle comme ça une colonie d'afro-musulmans en plein milieu de la commune, des gens dont vous savez parfaitement qu'ils ne produiront jamais rien, que c'est une source de crime, etc. Et vous avez le préfet qui est là pour vous intimider. C'est parfaitement odieux, scandaleux. Ces gens-là devront répondre de leurs actes. C'est tout à fait certain. Sujet, dernier sujet avant notre pause, chers amis. Plus polémique déjà, plus politique aussi. Ménard, Robert Ménard contre Louis Alliot, vice-président du Front National. Alors c'est une polémique qui a un petit peu agité les réseaux sociaux. Au sujet de ce qui définit un Français, voire un Européen peut-être, et que vous avez peut-être suivi. Alors, à quoi fais-je allusion ? Eh bien, Robert Ménard, s'exprimant sur un média national, me semble-t-il, là, dit la chose suivante. Être Français, c'est aussi, comme le disait le général de Gaulle, être Européen, blanc et catholique, bien sûr. Donc, aussi, c'est être aussi Européen, blanc et catholique. Il s'exprime sur LCI, ma mémoire me revient. Et sur ces entrefaites, Louis Alliot, vice-président du Front National, Front National qui s'arme en prévision de la campagne présidentielle de 2017, est questionné et répond. Et on lui demande son avis sur cette phrase, Robert Ménard étant le maire de Béziers, maire non Front National, il n'est pas affilié au Front National, il est proche du Front National. Voici ce que répond Louis Alliot. Il est maire de Béziers, je l'ai écouté, il a cité une autre phrase du général de Gaulle. Moi, je suis un peu en opposition avec ces phrases-là, parce que la France, ce n'est pas que ça. Lui, qui est un enfant de l'Empire, il devrait quand même, au-delà de la phrase raciste, ou dans tous les cas racialiste du général de Gaulle, y ajouter ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays avec des dom-toms, tout l'outre-mer qui est avec nous, les harkis, tous ces gens-là font partie de la communauté nationale. La France, ce n'est pas une couleur de peau. C'est à la fois un état d'esprit, l'amour de son pays, et aussi la conscience que l'on est prêt à mourir pour elle. Je préfère, moi, des gens, même de couleur, et qui sont tombés pour la France, ou qui tomberont, si malheureusement il y avait une guerre, que des gens blancs qui n'ont que de la haine pour leur pays. Alors, entre nous soit dit, après ces situations, ça va de soi, évidemment, qu'on préfère toujours quelqu'un qui est prêt à vous aider, que quelqu'un, surtout si c'est un traître, qui veut vous enterrer. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais est-ce que la question se pose en ces termes, surtout au plan numérique et démographique ? C'est à vous d'y répondre. Quelle est votre réaction face à cet échange, ce dialogue interposé entre Robert Ménard et Louis Alliot ? Énième polémique. Deux choses à dire sur la déclaration et de Ménard et surtout de la déclaration de Louis Alliot. La première, c'est que il aurait très bien pu dire, donc ouais, il n'a pas été obligé de parler de cette déclaration. Il peut arriver quand on est dans un même courant politique que quelqu'un sorte quelque chose avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Mais là, il a bien pris le temps de répondre à la question. Voilà, il aurait, si on l'interrogeait sur un média, sur une télé, une radio ou pour un journal, il aurait très bien pu dire « Écoutez, vous voyez que M. Ménard, je ne suis pas responsable de ses déclarations. » Ça, c'est ce que font beaucoup d'hommes politiques quand il y a quelque chose dans son propre courant qui le dérange, et voilà, ça met fin à la polémique, il n'y a pas de polémique. Là, il a tenu à y aller. D'une part, parce que Louis Alliot est un fils de pied noir et donc anti-gaulliste, donc il s'est dit « C'est l'occasion de taper sur De Gaulle », mais pas forcément dans le sens qu'on pourrait espérer, puisqu'il se sent obligé de ressortir ce fantasme colonial, enfin post-colonial, qui serait qu'on pourrait assimiler, républicaniser les 15 millions d'afro-maghrébins qui sont en France. Donc en faisant attention de ne surtout pas avoir la moindre parole qui pourrait faire penser que la France est et l'Europe sont un pays, un continent blanc. Voilà, c'est tout, blanc, européen, chrétien. Et ça, ils ne veulent pas le comprendre. Donc ça fait partie aussi de ces gens qui imaginent qu'on va pouvoir recoloniser dans nos propres frontières des Afro-Maghrébins qui sont là par millions et qui pourtant sont totalement haineux et qui, eux, sont dans un processus de colonisation. Donc je pense que c'est une énième erreur stratégique et politique du Front National qui n'en finit pas de tomber dans le recentrage le plus ridicule, le plus lamentable. C'est pas tout à fait une erreur pour moi. Pour moi, c'est voulu. C'est un peu, moi, je rapproche ça du maire de Boussy-Saint-Antoine. En fait, Alliot, il fait ce qu'on lui demande, quoi. C'est le gentil toutou et il pense qu'en disant ça, il va récupérer plus de voix qu'il va en perdre. Je crois que le Front National le prouve. Ils ne cherchent pas du tout à montrer qu'ils sont un parti de droite nationale. Ils ont là-dessus, ils sont prêts à tout. Ils sont, pour moi, maintenant le même truc que les socialistes maintenant. C'est malheureux, mais bon, voilà. Oui, il y a aussi une question d'ego. Enfin, le côté électron libre de Robert Ménard, qui se disait un pied dans le front, un pied en dehors. Certaines initiatives qui n'avaient pas été validées par le parti comme hausse à droite, ça crée un certain agacement. On peut remarquer qu'un des points communs aussi entre Alliot et Ménard, c'est que ce sont deux Français qui se réclament de la droite, c'est vrai, plus ou moins, mais qui sont aussi pieds noirs, tous les deux sont pieds noirs, donc par rapport à ce qu'on a dit sur l'empire colonial, sur le fait que les Européens tout de même sont des traditionnellement des blancs européens. Ça peut être aussi analysé, mais Ménard a un système de communication qui lui est propre et qui parfois agace, je peux le comprendre, mais je critique aussi plusieurs aspects de la déclaration d'Alliot. Je trouve que c'est une énième polémique stérile. On nous a déjà fait le coup avec Nadine Morado sur le même genre de phrase attribuée justement hier au colonel de Gaulle. Bon, voilà, on mesure hein, à quel point en 70 ans on a reculé. On peut même plus dire que la France est un pays blanc, chrétien, catholique. C'est... enfin, voilà quoi, c'est du délire. Le plus grave, c'est quand même qu'un des représentants du parti qui est censé lutter contre la colonisation migratoire, qui bénéficie d'un monopole médiatique et politique à ce sujet, disons qui représente l'espoir de millions de Français, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens qui votent Front National, c'est parce qu'ils en ont marre de l'immigration-invasion, se permettent ce genre de déclaration. C'est-à-dire que le déplacement du discours à gauche est proprement hallucinant. Ah ben, c'est cette course à l'échalote, à l'antiracisme qui est menée depuis 2012, enfin, c'est parfaitement ridicule. Quand on sait le poids de la machine médiatique pour diaboliser le FN et diaboliser le nom de Le Pen, à mon avis, ils s'en mordront les doigts. Oui, ils s'en mordront les doigts. Ouais, c'est stérile, quoi. C'est vrai que la polémique, elle est... Enfin, voilà, quoi. C'est vraiment pas intéressant, quoi. Alliot, dans toute sa splendeur... Oui, c'est intéressant, mais... Enfin voilà, c'est pas étonnant, on n'est pas du tout étonné par la réaction d'Alliot, elle est conforme à la ligne directive de sa compagne, ex-compagne, je ne sais plus. C'est amusant de voir tous ces cancres-là se mettre à gesticuler, vociférer, quand même face au propos de Gaulle, qui est quand même un peu le saint patron hein, de la France, en tout cas de la droite, et je trouve ça assez amusant. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la fascisation de De Gaulle, qui était jusqu'à ce moment-là. C'est un petit peu le fond de commerce de la gauche, quoi. On découvre quand même que le Front National se reconvertit dans la fascisation de De Gaulle, dont on croyait qu'un monopole avait été établi par le Parti Socialiste et ses affidés. Bon, bah, maintenant, effectivement, visiblement, parce que c'est ça, hein, le procès en racisme. Visiblement, ouais. Moi, si je me fie à ce que dit Louis Alliot, vice-président du Front National, personne éminente au sein de cette formation politique, le reproche qui lui est fait est le procès en racisme. De Gaulle est raciste, c'est ce qu'on lui reprochera, ce qu'on doit lui reprocher. Bon, bah, écoutez, moi, je trouve ça assez parlant. Quoi qu'il en soit, on fait une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission qui, je vous l'assure, sera tout aussi intéressante que la première. Je n'ai plus confiance en personne. Oh, je ne te le reproche pas. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prétendus amis. Tu peux avoir confiance en moi. Aie confiance, crois en moi. Alors, je vais dire la vérité. Toute la vérité rien que la vérité, parce que moi mon livre c'est la vérité. Et ma force sur les années, c'est que je dis toujours que la vérité. Sur toi. Attention Valessa. Il y a une règle que j'ai, c'est à qui profite le crime et chercher l'argent. D'où vient l'argent? J'irai même jusqu'au bout, si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros. Parce qu'on a eu l'argent des Iraniens, je veux dire, faut être honnête, si on n'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire, on n'a pas 3 millions d'euros. Maintenant, je regarde par les yeux, moi je suis payé par Alain Soral, c'est assez facile à vérifier. J'ai refusé d'être un agent iranien, j'ai refusé tout l'argent qu'on m'a proposé, j'ai monté mes propres organisations. C'est pas parce qu'il est financé par le Qatar qu'il a bien vu qu'il gardait toute sa liberté. Alors là, c'est bien un message, non, non. Tu travailles pour qui te paye? C'est une règle intangible. Voilà. Là, je leur donne des leçons de cohérence. Hein. C'est pour ça qu'il y a énormément de travail à faire. Pour convaincre aussi, comme ça se passe au Liban, les chrétiens aujourd'hui, d'arriver dans ce grand mouvement islamique, qui est un mouvement universel. L'islam n'est pas une frontière. L'islam, c'est la porte vers la liberté. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'arrive tout de suite. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est moi. Je voudrais aujourd'hui avec vous m'adresser en particulier aux chrétiens. Il marche comme prévôt. Les couillons, il est tombé dans le piège. C'était il y a 25 ans et depuis la pandémie n'a cessé de s'étendre. Écoutez mon colonel, vous seuls démêlez, mais il faut agir vite, ils sont là parmi nous. Les envahisseurs peuvent prendre plusieurs formes différentes. Et ce n'est que le début, M. Banson. Prenez les musulmans et finalement sont venus massivement en France pour réinsuffler un peu de foi et de traditionnalisme. Le col corat de code, mon frère dans la charte à ta mère. C'est peut-être parce que c'est leur destin positif. Une chance pour la France. Pour aider à combattre justement la puissance mammonite. On peut vous aider, n'arrêtez pas de temps. La France a aussi un nouveau visage, il ressemble étrangement au mien. Et il faut que ça soit. Que ça rentre dans les cerveaux. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est un débat du passé. Il y a des millions de personnes en France. Ils sont d'origine arabe ou musulmane, ils sont français, c'est fini. Si on n'accepte pas la présence de musulmans en France, la France disparaît parce qu'ils sont trop importants. Il y a un rapport de force et les islamophobes ont perdu. La gueule juive ! Non, pas bien. Nous voici de retour donc sur notre émission Démocratie participative, épisode numéro 12. Alors, deuxième partie et qui va se décomposer en deux volets. Premier volet, alors là, ça a été vraiment la polémique de la semaine, à mon sens. Peut-être que vous aurez quelque chose à objecter. En tout cas, je fais référence à Éric Zemmour, le fameux polémiste, essayiste, chroniqueur, au journal Le Figaro, journal de centre droit, connu pour ses positions contre l'immigration africaine et musulmane, connu aussi pour diverses positions très polémiques sur la criminalité halogène. Alors, cette semaine, il revient donc à la rentrée avec un nouveau bouquin, en fait, dans lequel il critique François Hollande, je crois qu'on peut le dire, hein. Il dit « un quinquennat pour rien », en fait, hein, en substance. Hein. Voilà, François Hollande, pendant 5 ans, n'a servi à rien, c'est une catastrophe. Et quelques phrases de son livre ont retenu l'attention, plus particulièrement, et je vais les citer, et ensuite on va en discuter. Alors, les phrases font mention d'une guerre civile hypothétique. Voici ce qu'il dit. « L'état-major de l'armée française, c'est qu'un jour viendra où il devra reconquérir ses terres devenues étrangères sur notre propre sol. » Donc, en l'occurrence, les poches immigrées, musulmanes, ou les banlieues africaines, etc. « Le plan est déjà dans les cartes. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide de spécialistes de l'armée israélienne qui ont transmis à leurs collègues français leur expérience de Gaza. La comparaison vaut tous les discours. » Alors, interrogé sur cette probabilité, il a réitéré ses propos le lendemain sur RTL en disant qu'effectivement, il maintenait et que ce projet, cette opération, ce plan d'opération existait bel et bien et que l'armée française planifiait en vue d'une guerre, on va dire, interethnique. Alors, explosif, votre réaction à tout, chers amis. Siliconiste. C'est-à-dire, Porovitch, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux en parler ? Non, je singe la réaction de certaines personnes qui peut-être passent trop de temps à écouter d'anciens trublions à la retraite, reconvertis, disons, dans l'antisémitisme pour débiles légers consanguins. Développe, vas-y, n'hésite pas. Quel programme ? Bah, évidemment, Zemmour est juif, bon. tout le monde a compris, on a d'accord. Vu sa gueule. Et donc, bon, évidemment, on va, ces gens-là vont l'accuser de bosser pour la communauté et donc de vouloir pousser aux conflits de civilisation, etc. Enfin, vous connaissez la musique. En fait, concernant Zemmour, alors, même Hervé Ryssen dit que Zemmour ne raisonne pas comme un juif. Hervé Ryssen, qu'on peut pas soupçonner de philo-sémitisme, même lui ne vire pas dans cette espèce, comme tu disais, d'antisémitisme pour QI de moins de 50, à destination de population. Il peut les dire, à mon avis, sur les grands médias, grâce peut-être aussi à ses origines, ou sûrement grâce à ses origines, mais peu importe. En attendant, ce qu'il dit, les constats qu'il fait, le diagnostic qu'il fait, et même les solutions qu'il peut proposer parfois, sont tout à fait les solutions que proposent aussi les nationalistes. Il fait tout à fait le constat que fait la droite nationale depuis des décennies. Concernant ce plan de l'armée, c'est évident qu'il existe. C'est évident que malgré le fait que nos élites aient organisé l'invasion et favorisé l'islamisation de la France, il y a quand même des solutions de sortie, ou tout du moins pour éviter de se faire entièrement coloniser ou éviter que des zones ne tombent complètement. Après, est-ce qu'ils l'appliqueront, est-ce qu'ils ne l'appliqueront pas, je ne sais pas, mais c'est évident que, quelles qu'elles soient, et des choses sont prévues s'il se passe telle ou telle chose. Donc, c'est tout à fait normal que ce soit prévu, c'est tout à fait normal aussi d'interroger d'autres pays avec qui, dirais-je, malheureusement, on entretient de bonnes relations, mais voilà, ils ont une certaine expérience dans le domaine, d'avoir chez eux des millions de gens qui veulent massacrer des millions d'autres, et ils ont une certaine expérience dans le fait de reprendre des territoires occupés. Hein. Bon, on ne rentrera pas dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Donc je pense qu'il faut se réjouir peut-être qu'il existe ce genre de plan. Après, est-ce qu'il sera temps de l'appliquer ? Est-ce qu'il sera applicable avec 30% d'afro-maghrébins ? Oui, moi, je rejoins complètement Argel. Et Zemmour, origine juive ou pas, Zemmour est un des mecs qui aura contribué à ouvrir énormément les yeux aux Français durant ces 2-3 dernières années, au même titre que d'autres un peu onfrés, Fidel-Crotte, mais Zemmour beaucoup mieux. Moi, je prise de position, 100% d'accord avec Zemmour. Heureusement que ce mec existe. Bah, le truc à dire, c'est que contrairement à l'image que dépeint des gens comme Alain Sourat, la communauté juive n'est pas un bloc monolithique. Il faut bien comprendre qu'il y a des courants et que les intérêts de l'État d'Israël, c'est pas toujours les intérêts par exemple de la communauté juive en France. Et donc, il faut pas s'étonner de voir des juifs comme ça qui, quelque part, sortent du maquis et tiennent un autre discours, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas y voir une manipulation, une manipulation de la communauté, puisque cette communauté, elle est divisée. Comme tout d'ailleurs, comme tout groupe, hein, c'est tout à fait normal. Donc, c'est certains qui, voilà, encore une fois, qui ont une vision monomaniaque, hein, pathologique de la situation, voudraient nous présenter la communauté comme hyper organisée, hyper hiérarchisée, comme si le destin du monde se déroulait dans une salle obscure à Tel Aviv. Il n'en est rien. Alors en fait, je voulais revenir sur cette histoire de plan de reprise des banlieues par l'armée française. C'est quelque chose qui est dans les cartons, mais c'est pas quelque chose qui est décidé par des politiques. C'est propre au fonctionnement de l'armée française, en fait, des gens qui s'occupent de prévoir les menaces futures. En fait, le planificateur, la planification chaude des menaces qui sont déjà existantes. Ensuite, de ce qu'on va appeler les planifications tièdes, dans le sens où c'est probable, c'est pas encore déclenché, mais ça peut arriver. Et ensuite, la planification des froids, en fait. Ça, c'est les scénarios possibles dans le futur. Et donc, je pense que ce plan de reprise des cités, c'est plutôt scénario possible dans le futur ou situation probable. C'est pas quelque chose qui va être appliqué, bien sûr, bien entendu, d'ici là, puisqu'il faudrait une décision politique pour ça. Et on sait très bien que si nous ne faisons pas notre travail de gagner le cœur, en fait, et les esprits, hein, c'est une formule militaire, on n'aura jamais ces décisions politiques-là, quoi. Non, enfin, disons que ce qui est intéressant, c'est de... Je pense qu'il y a plusieurs messages, parce que c'est un journaliste, Éric Zemmour est un journaliste évidemment connu, qui est protégé, parce que rappelez-vous qu'un certain nombre de personnes avaient voulu l'exclure du Figaro. Contrairement à une idée reçue, le Figaro est un journal de gauche, qui est tenu en tant que tel par des journalistes de gauche, et une seule petite minorité de droite subsiste parce qu'elle bénéficie d'un certain soutien. Et Éric Zemmour avait subi la pression, rappelez-vous, du temps de ses déclarations sur la criminalité halogène. Il y avait une véritable chasse, on avait demandé à son expulsion du journal. Et c'était pas passé loin, d'ailleurs. C'était pas passé loin. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas être suspecté, à mon sens, de complicité sur ces questions-là. C'est pas quelqu'un qui est dans la duplicité, je pense pas du tout. C'est quelqu'un qui paraissait franchement, et je pense que sa franchise pose beaucoup de problèmes. Après, il a des proximités, et grâce à ses proximités, on en apprend. Et c'est précisément grâce à ses proximités aujourd'hui qu'il a pu nous dire, et à mon avis c'est calibré, qu'il existait dans certaines parties des institutions françaises une volonté de réaction. C'est-à-dire qu'à un moment, trop c'est trop, et que l'incurie des politiciens peut, à un moment donné, devoir être stoppée par des méthodes un peu plus coercitives. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Alors après, il a cité l'État d'Israël. Alors l'État d'Israël, effectivement, le citer comme ça à la radio, je pense que Zemmour, c'est ce qu'il fait. Il sait lui-même qu'il est juif, et il sait très bien que rien que son nom... suffit à rendre complètement fou, à faire perdre la raison à des millions et des millions de musulmans en France, pour ne pas parler des autres. Donc, quand il dit ça et quand il cite le mot Israël, immédiatement, les cohortes, les masses afro-musulmanes deviennent complètement hystériques, se roulent par terre en hurlant à la persécution. Ils n'ont pas reçu le premier coup sur la gueule, qu'ils sont déjà en train de dire qu'ils ont mal, on les connaît. Mais moi, je pense que ça traduit quelque chose. Je pense qu'il y a un message, quand même, l'air de rien, qui fait comprendre à tous ces gens que rien n'est acquis, somme toute. Et que peut-être qu'ils auront des déconvenus dans le futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense effectivement que le futur n'est pas acquis d'avance à tous ces messieurs et toutes ces personnes qui pullulent dans les banlieues de France et de Navarre. C'est rassurant quand même que l'armée prenne en compte le fait qu'on est en train de se faire envahir, que les Afro-Maghrébins sont de plus en plus violents, sont de plus en plus organisés, sont de plus en plus islamisés. Donc, comme le disait Captain America, voilà, l'armée a pour aussi mission de préparer l'avenir, quel qu'il soit, et d'avoir des solutions à proposer en cas de crise. Donc, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel d'avoir prévu ça dans une France où il y a 15 millions d'Afro-Maghrébins, dans une France où il y a des attentats tous les 15 jours. Oui, moi je vais faire remarquer le décalage entre ce qu'a dit Zemmour, faisant allusion à ce projet qui existerait, et à cette collaboration, coopération du moins militaire, et puis le discours médiatique où certes on nous parle d'attentats, parfois on nous parle d'attentats qui sont déjoués, on nous parle de commémoration, on nous parle de certaines choses, mais en tendant le micro surtout à des, on en a parlé dans d'autres émissions, mais à des gens qui vont estimer que ce sont des déséquilibrés qui ont commis ces actes-là ou qui voulaient le faire, donc que c'est quelque chose d'isolé et qu'il n'y a pas de généralisation du problème, que les choses sont plutôt minoritaires, secondaires, passagères. Et là, l'existence de ce projet montre que, évidemment, des gens pour la sécurité nationale sont obligés de réfléchir un peu plus sur le long terme et sont conscients du caractère général du problème dont on a parlé abondamment. Voire même du caractère racial et religieux du problème. C'est évident. C'est ce que je sous-entendais. Bah d'ailleurs, au niveau de la classe politique, il y a une entente de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen de ne pas amalgamer les musulmans au terrorisme. Même Marine Le Pen dit qu'elle combat l'islamisme fondamentaliste, mais pas les compatriotes musulmans. Donc voilà, il y a interdiction au niveau médiatique, au niveau politique, d'avoir la voix de ceux qui disent le problème, il est migratoire, le problème, il est ethnique, le problème, il est islamique. Donc ça n'a pas... c'est impossible que ça puisse passer dans le sérail, on va dire, républicain, consenti de la caste médiatico-politique. Ça, c'est un message qu'il ne faut surtout pas qu'il apparaisse, surtout en ce moment. Interdiction de parler pour ceux qui ont la parole, ce qui équivaut à interdiction de penser pour la grande majorité de nos compatriotes. C'est ça la censure. Oui, d'autant qu'on est, quand on regarde le paysage politique européen, on se rend compte que en fait la liberté de parole est pratiquement au plan politique. On se rend compte que des pays, même en Allemagne, prenez l'Allemagne, l'AFD a un ton beaucoup plus dur sur la colonisation migratoire et sur l'islam que le Front National. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec une situation ubuesque où on a le parti le plus établi, le plus installé de l'opposition, on va dire, à ce torrent migratoire, qui est aujourd'hui le plus timoré, le plus timide, sous l'influence de qui? L'influence d'une poignée d'individus qui visiblement ont estimé qu'il fallait composer, mais c'est quand même assuréaliste, parce que je veux dire, ils prennent position à rebrousse-poil de l'évolution de l'opinion publique, ce qui est quand même fou. Et je vois même aujourd'hui, dans ces circonstances, que au Front National, bon, je suis pas particulièrement critique du Front National ni un adepte d'ailleurs, mais je constate que on veut réitérer l'erreur de 2007, c'est-à-dire que Marine Le Pen envisagerait un déplacement dans les banlieues, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Vous croyez que les bougnoules des banlieues vont monter Front National? Mais qu'est-ce qui passe dans la tête de ces gens-là? Mais ces gens-là vivent dans un monde d'abstraction. Les conseillers de Marine Le Pen vivent dans un monde d'abstraction. Ils sont en train de s'imaginer d'un arabe type, je ne sais pas, qui évolue dans je ne sais quel fichier de statistiques. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ces gens-là votent rigoureusement à 95% socialistes. Parce que, somme toute, ils ont beau être aussi cons qu'ils veulent, ils sont quand même assez rationnels pour défendre leurs intérêts. Et ils ont bien compris que c'est pas en votant Front National qu'ils vont défendre leur propre gamelle, quoi. Et on est là-dedans, et c'est sûr, incroyable, je crois, visiblement, en 2017, on veut réitérer cette hérésie de courtiser cette populace mahométane, alors que, dans le même temps, partout en Europe, c'est l'inverse qui se passe. Tout à fait d'accord avec toi, Gandalf. En 2007, quand il y a eu Sarkozy, finalement, le discours du Front National, c'est là qu'il a été le plus faible et le plus timoré. Et c'est exactement les mêmes erreurs, je suis entièrement d'accord. Donc bon, ben, après, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Tu te demandes. Alors, quel est le véritable programme du Front? C'était un certain Alain Soral, ouais, l'essayiste pro-musulman lié à l'Iran, qui avait soutenu cette orientation. Et je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'Alain Soral pour que cette ligne soit retenue au niveau du Front National. Et visiblement, je ne sais pas si ça se passera, mais Marine Le Pen a fait savoir, en tout cas ses conseillers ont fait savoir, que un déplacement en banlieue, comme on dit, était envisagé. Mais pourquoi y faire? Et en plus, je suis pas les attentats islamistes se multiplient, la racaille pullule, la criminalité. Jamais l'opinion publique n'a été aussi consciente du problème. Et nous voilà avec un Front National qui va courtiser cette populace. Incroyable. Non, mais c'est comme tu disais, ces gens sont dans des abstractions, ils sont dans l'idéologie, puis je pense que ça carbure un peu trop à la cocaïne et à l'alcool, quoi. Faut redescendre, les mecs, hein. Enfin, je ne sais pas. D'un autre côté, ils se disent de toute façon pour qui vont voter les gens, même qui sont radicalisés, qui se sont radicalisés, voilà, ils vont voter pour eux. Ils vont se dire de toute façon, on a le monopole à droite des républicains, donc autant aller essayer de dragouiller des voix hypothétiquement à gauche ou dans les banlieues, puisque de toute façon, ils se disent que de toute manière, l'électorat le plus à droite votera pour eux. Sauf que beaucoup d'électeurs du Front National, ça c'est toujours vérifié, sont en fait des abstentionnistes. Ils votent soit abstention, soit Front National. Et je pense que si des gens ne se retrouvent pas suffisamment un discours identitaire au Front National, ils y resteront dans l'abstention. L'abstention est énorme d'élection en élection, même la présidentielle. La dernière présidentielle, il y a une abstention qu'on n'avait jamais eue pour les élections présidentielles. L'abstention est toujours en hausse. Donc c'est pour moi une très mauvaise tactique, puisque plutôt que d'essayer de gagner quelques voix à gauche, quelques voix dans les banlieues, il serait beaucoup plus intéressant de réveiller les abstentionnistes qui aient l'impression que véritablement il y a un changement politique. Beaucoup de gens qui ont un discours très radical disent de toute façon ça sert à rien de voter et se réfugient dans l'abstention. Donc c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher, et d'ailleurs c'est ces gens-là que Trump est allé chercher au moment des primaires, et qu'il ira chercher aussi, je pense, au moment de l'élection présidentielle. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que en 2017, pour qui on vote, franchement? Ouais, Sarkozy, Hollande, Le Pen, bonjour. Non, je pense que ce sera plutôt... Enfin, ouais, c'est difficile à définir, mais probablement plus Juppé. Mais... Enfin, on est dans une situation où on a d'un côté Éric Zemmour... Et pourquoi pas Édouard Balladur aussi. Bah, oui, c'est la même chose. Jean-François Copé. On est dans une situation où on a... Bernard Ponce. On a, comment dirais-je, l'essayiste Éric Zemmour qui nous explique, voilà, l'armée planifie... De toute façon, c'est... Cette confrontation ethnico-religieuse que tout le monde sent venir, on sait très bien que c'est une question de temps, on ne sait pas exactement comment, quelle forme ça, mais on sait très bien que c'est déjà là, puisque les attentats se multiplient, etc. On peut parler du reste. Donc on a cette réalité-là, où on dit, voilà, l'armée planifie des offensives peut-être dans les banlieues, et de l'autre côté, on a le Front National qui nous explique, bah non, c'est les banlieues qu'on va chercher à séduire. Complètement aberrant, enfin, c'est, vous voyez, c'est à contre-temps complètement. Enfin bon, visiblement, je ne sais pas qui inspire le Front National en ce moment, qui décide des stratégies. Je suis convaincu effectivement que les banlieues de France sont pleines d'électeurs du Front National potentiel, à n'en pas douter. Bon, laissons ces gens fonctionner. Je pense que si le Front National réalise un grand succès en 2017, ça sera en dépit de la stratégie arrêtée plus que à la faveur d'eux. C'est mon tout opinion. Tout à fait, oui. Oui, parce complètement d'accord. Ouais. Voir après quelle sera la centralité dans la communication de cette entreprise banlieue patriote, parce que le discours de rentrée de Marine Le Pen se fait à Brachet, dans un petit village de Haute-Marne, ou de Marne, je ne sais plus. Donc c'est plutôt aussi la cambrousse, la campagne qu'elle souhaite, où se trouveraient les électeurs. Bon, bah, c'est la question. Hein. Oui, en effet, mais dans ce qu'on appelle les banlieues, il faudrait peut-être aussi... avoir un regard critique sur ce terme banlieue qui est employé par les médias, que le Front a employé dans cette communication, que tu as employé toi aussi. Banlieue, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des banlieues qui sont des banlieues riches dans le 92, il y a des banlieues qui sont des banlieues, dans ce cas-là, il faudrait dire carrément quartier immigré. Non, mais eux, ils le savent, ils savent très bien de quoi ils parlent. Hein, voilà, c'est des quartiers immigrés. Tout le monde comprend bien. Ouais, voilà. Mais il y a aussi des gens déclassés, des gens des pauvres blancs qui vivent aussi dans les banlieues. Alors je sais pas si ces gens-là. Non, mais quartiers populaires, maintenant, ils disent. Attends. Voilà, quartier populaire. C'est le vocable de Trotsky, ça. On sait très bien de quoi ils parlent, on sait très bien où ils veulent en venir, et ils veulent faire voter... Selon le contexte, on sait très bien non, ce qui est plus, un en jeune... Plus, c'est une passion, ça, de certaines personnes autour de Marine Le Pen. Enfin, ils fantasment sur un... Enfin, c'est des gens, je pense, qui manquent de culture. Enfin, on va passer au deuxième sujet, on va pas s'éterniser là-dessus. Encore que, on va démonter justement ce mythe de l'égalité citoyenne, n'est-ce pas? Parce que cette égalité entre les êtres humains n'existe pas, pas plus... entre vous et vos parents, vos cousins, qu'entre peuples, groupes entiers, raciaux, ethniques et autres. Je commence comme ça, hein. Moi je suis sans transition, et pas particulièrement conciliant. Alors, à quoi fais-je allusion cette fois-ci? Manifestation massive des Asiatiques de Paris, la semaine dernière, donc ça c'était le week-end dernier. les Chinois de Paris, essentiellement les Chinois d'ailleurs, mais il n'y avait pas que, se sont mobilisés en fait pour protester contre la violence dont ils sont l'objet. C'est pas la première fois. Ça fait un mois que les Asiatiques de l'Île-de-France et de Paris en particulier se mobilisent pour appeler à, comment dirais-je, davantage de sécurité en ce qui les concerne. Donc c'est un appel clairement communautaire, hein. C'est une communauté qui dit, voilà, nous sommes particulièrement ciblés. Ça fait plus d'un mois qu'ils se mobilisent, mais là, il y a une grosse manifestation à Paris, parce qu'ils disent qu'ils sont victimes d'un racisme structurel. Alors ça, c'est un terme qui est très intéressant, racisme structurel, d'accord. Serait-il la cible d'affreux fascistes blancs, de crypto-nazis? Est-ce que le Front National, ancienne formule, aurait pris le contrôle de l'Île-de-France et aurait entrepris de ségréguer strictement les Asiatiques? Ou bien, est-ce que quelque chose se passe? Alors là, avant de développer, est-ce que vous avez suivi cette affaire? Parce que ça, c'est une affaire qui a fait parler sans faire parler, en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu comme les Asiatiques, en fait, hein. Ça fait parler sans faire parler. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Effectivement, moi j'ai entendu parler de ce commerçant qui a été, il me semble, battu à mort par des jeunes. Oui, des jeunes. Des jeunes, oui. Bon, effectivement, ça choque et on peut comprendre que les Asiatiques, les Chinois de France, on est un petit peu marre de se faire détrousser par des jeunes, hein. Oui, c'est-à-dire que déjà il faut le souligner, donc c'est une violence qui est récurrente. Mais c'est une violence qui cible spécifiquement les Asiatiques, en ce sens que les Asiatiques visés transportent des quantités de cash, d'argent liquide. Ce qui est absolument vrai, et là, tout de suite, faisons litière de quelconque... c'est pas le genre d'ici d'enterrer la vérité sous un tombereau de propos visant à cacher les faits réels. Tu suggères qu'il frauderait le fisc? Non, il fraude largement le fisc. Ce sont des truands, tout le monde le sait parfaitement. En tout cas, une partie d'entre eux, des commerces asiatiques chinois, précisons-le, truandent le fisc. Mais, de fait, reconnaissons-le aussi, ce sont des gens à la fois qui ne torturent pas leurs voisins, qui n'ont pas tendance à poignarder le premier venu au coin de la rue. Ni à violer sa fille. Voilà, effectivement, violer sa fille, surtout la tienne, au coin de la rue, bon bref. Bon, entre eux, ils ont quand même des rapports assez violents parfois. Bah, oui. Ça, à la limite, j'aimerais bien te dire, c'est pas tellement le premier souci qu'on a. C'est-à-dire qu'on est habitué, on est accoutumé, malheureusement, j'ai envie de dire, à un certain type de criminalité ultra-violente, parfois barbare. Et de l'autre côté, des us et coutumes asiatiques, notamment chinois, qui sont ce qu'ils sont. Enfin, qui touche plus à la matière économique. Bon, c'est ce que c'est pas pour autant respectable, c'est très certain. Mais enfin, il se passe quelque chose. Il y a un conflit culturel. Alors, d'habitude, on se dit, un conflit culturel, d'accord, mais là, le conflit culturel se passe entre les Asiatiques et les Chinois et la population autochtone, désormais, de Paris. Alors, moi, j'ai envie que vous me parliez de ce clash, parce qu'en réalité, toutes les violences que subissent les Asiatiques sont les violences imposées par les Afro-Maghrébins et autres Roms. D'ailleurs, c'est photographié même sur Internet, qu'imposent non seulement aux Chinois qui vivent à Paris, à Aubervilliers ou dans le 13e, mais aussi aux touristes chinois. C'est une réalité, ça, cette violence interethnique. Ah oui, il y a eu l'histoire du bus là, attaqué quand même. C'était quand, ça? Alors, le bus attaqué, alors oui, ça c'était... Ah oui, vas-y, rappelle-nous les détails. Les détails, je sais que c'est un bus attaqué. Bon, grosso modo, c'est quoi, hein. Grosso modo, c'est quoi? C'est au début de l'été ou à la fin juin, je ne sais plus, où un bus de touristes a été attaqué et les touristes détroussés à leur arrivée par des afro-maghrébins, etc. quoi. Donc là, on en a un peu parlé, mais bon, après l'été passé dessus, je pense que la plupart des Français ont déjà oublié. Mais bon, voilà, je pense que la communauté chinoise se fait attaquer pour celle qui vit en France. Et les touristes chinois, ça y va à gogo, parce que comme tu le disais tout à l'heure, ils transportent de l'argent, pas mal. Et puis voilà, c'est facile, ça doit être amusant quoi, d'attaquer un quart de touristes chinois. Ça nous rappelle un peu que la France est dans le Far West de l'Europe. Oui, on se demande encore comment il y a des touristes encore qui sont venus à Paris cet été. Je pense que Paris, la côte, ça a dû sacrément baisser le tourisme. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de touristes dans les terres à la montagne, ça. Mais on te dira pas pourquoi. Alors, tu as raison de souligner ça. C'est-à-dire que quand tu as des mecs qui te disent « Oui, l'immigration, c'est bon pour l'économie, patati patata », il faut savoir que d'un point de vue touristique, je pense qu'il y a eu plusieurs millions, voire plus de 10 millions de touristes en moins cette année en France, bon, notamment à cause des attentats. Mais de toute façon, il est clair que les déprédations auxquelles se livrent les populations afro-maghrébines ont un impact direct sur, sur la côte touristique de la France. Hein. Exactement, parce que tout est lié. Hein. On ne va pas se voiler la face. En particulier à Paris. Hein. Moi, j'ai passé le mois d'août à Paris. Il y avait très très peu de touristes comparé aux années précédentes. Ça n'empêche pas Monsieur Macron de dire que l'arrivée des migrants, entre guillemets, est une chance économique, une opportunité, ce qu'il a dit très récemment. Ouais, chance pour la France. Excellent. Ouais. Excellent. C'est des gens qui généralement n'en vivent pas d'ailleurs. C'est une opportunité pour certainement les grands patrons, hein, la finance internationale, les associations prétendument antiracistes et leurs amis politiciens et journalistes. Même pas, parce que justement. Effectivement, pour eux, dans leur tête à la con de statisticiens égalitaristes, hein, de gens qui évoluent au-dessus des nuages, là, ils se sont dit « bah oui, on a un problème de dépression démographique, on va en faire venir tant de millions, et là, tout va se régler ». Mais non, c'est pas comme ça marche. Pourquoi ? Parce que les rats sont différentes qualités, et que la productivité du germain n'a rien à voir avec la productivité du soudanais. Oh, allez-vous le croire, ma pauvre dame ? Eh bien oui, ben oui, absolument. Et eux, ils sont en train d'en faire l'expérience cruelle. Et ça aussi, effectivement, un impact sur l'industrie du tourisme. Faites venir des millions, enfin, je veux dire, des Roms, des migrants, de je ne sais où, etc. Et étonnez-vous ensuite que les, comment dirais-je, touristes qui viennent du monde entier pour admirer les beautés de feu à Paris tombent des nus en se faisant détrousser au coin de la rue par une bande de clans d'eau, sans d'ailleurs même pouvoir espérer le secours du moindre policier français. Hein, Alors, j'ai les chiffres devant moi. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais j'ai les chiffres devant moi. En premier semestre 2016, les recettes hôtelières ont baissé de 30%. Le taux d'occupation a chuté dans les palaces de 85 à 50%. Et les prix des chambres ont globalement baissé. Donc, dans la région parisienne, il y a eu une perte sèche de 460 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 4 premiers mois de l'année 2016. Tout ça grâce à la diversité. Donc en fait, oh là c'est là, les culs en or qui ont déserté la France. Pour revenir au sujet, je me demande s'il faut se réjouir que des immigrés asiatiques manifestent contre la violence d'immigrés afro-maghrébins. Nous, en tant que Français blancs, moi je me place toujours dans le sens de ma communauté. Et là, de voir ça, alors effectivement, c'est bien qu'ils essayent de se défendre. Mais voilà où on en est arrivé, c'est-à-dire qu'on en est à se dire que ouais, c'est chouette que des Asiatiques manifestent contre la racaille afro-maghrébine. Non, où est-ce qu'on est ? Nous, on est où ? On sait très bien que les manifestations de ce genre organisées par des Français sont interdites par le pouvoir en place, mais moi, limite, ça me fait encore... je trouve ça encore plus désolant de voir que des tensions intercommunautaires entre des gens qui n'ont rien à foutre chez nous. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre, ni l'immigré asiatique soi-disant intégré, en fait il n'est pas du tout intégré, il est complètement communautarisé parce qu'il y a énormément d'Asiatiques qui sont depuis 20 ans en France et qui baragouinent trois mots de français et qui vivent au sein de leur ghetto, exactement comme les Afro-Maghrébins. Donc moi je pense que c'est encore plus inquiétant de voir qu'on en est à des revendications sécuritaires de la part d'une communauté vis-à-vis d'une autre, alors que nous, on est chez nous et on regarde ça en spectateur, voire ouais. Certaines personnes applaudissent à ça. Il y avait même une élue du front, une élue maghrébine du Front National, une conseillère régionale, j'ai pas son nom, qui était à cette manifestation. Donc voilà où on en est. On se dit mais où sont les blancs ? Les blancs sont partis, ont déjà été complètement épurés. Donc moi, pour moi, tout ça participe à l'invasion. Et donc moi, j'ai vocation à me battre pour que tous ces gens-là soient foutus dehors. Donc, c'est sûr que là, on n'en est pas là, malheureusement, mais il ne faut pas se réjouir forcément de voir ces Asiatiques défiler dans les rues. Oui, il faut savoir aussi que très rapidement, que les Asiatiques sur Paris développent aussi des réseaux de prostitution, donc tout n'est pas rose non plus de leur côté. Alors il y a des histoires de faux papiers, bien sûr, aussi pour les gens qui viennent. Alors évidemment, ils sont intégrés d'une certaine manière par le travail, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il faut absolument travailler pour s'en sortir, etc. Mais ils sont performants scolairement, mais effectivement, ils restent chinois, ils restent asiatiques, ils ne se sentent pas français pour la très grande majorité. Oui, ouais, ouais. Alors Fulbert, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que dans ce... sur cet aspect-là, l'agression à Paris contre la communauté asiatique, il faut se dire que les Chinois de Chine commencent à prendre sérieusement conscience de la chose. Une compagnie aérienne, Air China, avertit ses passagers des problèmes qu'ils pourraient rencontrer en se rendant à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ils ont placé des avertissements dans leurs appareils et sans doute dans les aéroports qui dit ceci: Londres est généralement un lieu sûr où voyager. Cependant, des précautions sont nécessaires en entrant dans les zones principalement peuplées par des Indiens, des Pakistanais et des Noirs. Nous conseillons aux touristes de ne pas sortir seuls la nuit et aux femmes d'être toujours accompagnées par une autre personne lorsqu'elles se déplacent. Ça vous donne une idée. Le bon sens parle. Mais effectivement, comme l'a dit notre camarade Argyle, effectivement, il n'y a pas de quoi se réjouir, on ne peut pas se réjouir de la présence colonisatrice d'une communauté comme la communauté asiatique, et notamment chinoise. Par contre, je pense qu'on peut quand même approfondir le truc, aller un petit peu au-delà. Je pense qu'on constate qu'il y a quand même des différences raciales. Vous savez, on nous dit toujours, enfin, ce catéchisme, parce que c'est intéressant, c'est ça, on est dans Paris, c'est la mairie socialiste d'Hidalgo, on est dans la 15, enfin, je veux dire, c'est la ville modèle du socialisme avancé, etc., et on est censé être dans le paradis sur Terre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre, en fait, non, que c'est un putain de ghetto, que c'est une poudrière, complètement éclatée entre tribus et races, et que tout ce beau monde-là, en fait, se déteste cordialement, se vole joyeusement. Et on a, ceci étant dit, on a des races qui se comportent différemment. Et les Asiatiques, en tout cas les Chinois, se plaignent d'être ciblés parce qu'en fait, la racaille nègre ou la racaille maghrébine ou orientale essaye de le détrousser au coin de la rue. Et eux pratiquent, ont d'autres usages, n'est-ce pas, que vous connaissez, enfin, qui sont des usages, on va dire, plus élaborés. Et le fait est que on a quand même une différence. Il y a quand même une différence de comportement entre les Asiatiques et ces gens-là. Quelque part aussi, et là je veux extrapoler, dans l'immigration post-coloniale, l'immigration vietnamienne, l'immigration maghrébine, l'immigration africaine, clairement, on a d'un côté des professionnels du chantage victimaire et menaçant. Algériens en tête. Et d'autre côté, il faut dire une chose, c'est qu'on a des Asiatiques et surtout des Vietnamiens qui ne font pas parler d'eux, quoi. Bon, après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais on n'a jamais d'organisation vietnamienne de chantage à la colonisation, etc. Qu'est-ce que vous pensez ça de cette ethnopsychologie propre à chaque groupe, alors qu'on est en train de nous baratiner en disant tous les immigrés sont égaux, ils ont tous les mêmes intérêts, ils veulent tous les mêmes choses, etc. Alors qu'en fait, ils sont en train de bouffer le nez entre eux. Et en plus, ils n'ont pas la même tenue. Voilà. Bah, une fois de plus, prouvé que le facteur racial est un facteur incontournable pour comprendre l'humanité. Voilà, excusez-moi de prendre des grands relents de gauchisme, mais c'est ça. L'humanité est divisée en races, elle a des cultures, une biologie, une psychologie différente. Et si on veut être capable de comprendre le réel, il faut en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Les Asiatiques ont l'air moins revendicatifs. Je préférerais qu'il n'y ait que des Asiatiques plutôt que des Afro-Maghrébins. Au choix entre un Somalien et un Taïwanais, mon choix est fait. Non, mais même au-delà de ça, je veux dire, par exemple, c'est intéressant, je veux dire, bon, il y a le phénomène migratoire, bien sûr, mais le fait qu'on ait, des Vietnamiens qui aient connu qui aient connu même des guerres plus dures, même, parce qu'en fait, il y a eu la présence française, etc. Et puis bon, ça a été. D'ailleurs, c'est une guerre sur laquelle il faut revenir, qui est une guerre passionnante, parce que justement, elle est toute en nuances. Mais comment se fait-il qu'on ait d'accord des Asiatiques, Vietnamiens par exemple, qui soient en France et qui ne sont pas dans la rancœur ou quoi que ce soit. Et de l'autre côté, on a des Algériens qui, à la troisième, quatrième génération, sont en train de vous resservir leur haine recuite pour essayer de vous faire les poches. Vous expliquez ça comment? D'où ça vient? Et de voir en plus, et là on parlait d'un certain nombre de personnes sur l'histoire de la guerre civile, machin, qui sont en train de courtiser ces gens-là. Comment vous expliquez ça, de voir ce truc-là, de voir cette haine recuite être courtisée, valorisée, anoblie, alors que de l'autre côté, on a des gens finalement qui font jamais parler d'eux. On en pense ce qu'on veut, je répète, on en pense ce qu'on veut, mais on peut pas dire que les Vietnamiens nous aient cassé les couilles, quoi. Franchement, on peut pas le dire. C'est le dysgénisme, c'est-à-dire que on nous l'a fait à l'envers. On valorise tous les éléments pathogènes. On pourra parler des transsexuels, des homosexuels, de tous les comportements déviants. Et on valorise aussi les races inférieures. Parce qu'il faut le dire, il y a une hiérarchie comme dans les races. Entre des maghrébins qui vivent dans des tentes, qui enculent leurs chèvres, et un chinois qui a un empire qui règne depuis des siècles sur un empire qui est quasiment continental. Enfin, c'est. Et regardez le niveau technologique, regardez la philosophie, la poésie, tout ça, ce sont des facteurs culturels qu'on peut prendre en compte. C'est évident qu'il y a une hiérarchie. Et aujourd'hui, voilà, quoi, on favorise tout ce qui peut dissoudre, j'ai envie de dire, ce qu'il y a de bon en France et puis dans l'être humain. Oui, moi je voudrais dire un mot. Il y a aussi des peuples peut-être qui vont mal. Après, on aura peut-être les réponses qu'on voudra. Pourquoi ils vont mal? Quand tu vois que le ministre de la Santé au Maroc affirme que un Marocain sur deux souffre ou a souffert de troubles psychiques, quand on te dit que tu es en Tunisie, les chiffres sont pires. Bon, ben voilà, c'est peut-être un semblant de réponse. Ah bah, la consanguinité. Bah exactement. Ah ouais, voilà. Mauvaise idée que de baiser sa cousine au premier degré. Mauvaise idée de baiser sa cousine au premier degré, surtout quand tu le fais sur 50 générations. Hein, parce qu'il y a un moment, la génétique est dit merde. Ces gens-là sont responsables de leur merdier. Le prophète, il a dit, c'est que c'est bon. Ah ouais, mais c'est malin. Hein. Bah, comment voulez-vous? Ah bah oui, après, on a des gens qui ont des problèmes psychiatriques, on a des QI à 70, voire pire. Bah oui. En tout cas, de fait, on a une situation où la France est devenue une véritable poudrière ethnique, on peut le dire. L'île de France se retrouve réduite à l'état de tension interraciale extrêmement forte. On a des Asiatiques qui doivent se défendre, se bunkeriser, voire menacer de recourir à la justice directe contre les attaques des Afro-musulmans. Les Afro-musulmans qui, par eux-mêmes d'ailleurs, les raquettent et, quand ils ne sont pas occupés à semer des attentats. On a parlé des attentats ratés de Notre-Dame et de tous ceux qui ont réussi par ailleurs. La France, malheureusement, fait bien pitié dans son état actuel. Et pas que la France, d'ailleurs. Tout ça qui est finalement le fruit, bah, vous le savez, on le sait, on le dit, d'une immigration soutenue, organisée, on peut le dire, au plus haut niveau gouvernemental. Pourquoi s'en étonner? Un mot de conclusion sur cette émission, chers amis, ou sur n'importe quel autre sujet qui pourrait ouvrir sur l'émission suivante? Ce sera notre mot de la fin. Personnellement, j'ai trouvé que les associations antiracistes ont brillé par leur absence pour la manif de la communauté asiatique. Il est vrai que défendre des gens qui, malgré tout, travaillent et qui sont à peu près, structurés, face aux hordes maghrébines et africaines, ça risquerait quand même de créer des précédents. Donc, je comprends qu'ils soient pas venus. Ah oui, il y a des choses. Partout, t'es vache. Il y a des choses à dire là-dessus, parce que par exemple, citons le responsable du MRAP, hein, donc le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, donc communiste du 93, la Seine-Saint-Denis, dont le président qui s'appelle Sylvain Goldstein. Dit la chose qui suit, participant à cette manifestation timidement, le collectif d'associations de la communauté chinoise qui appelait à manifester ne souhaitait pas qu'il y ait des drapeaux autres que les leurs. Tout était organisé très précisément, les banderoles étaient préparées et tout était sur le même mot d'ordre, c'était très ordonné en fait. Et ensuite, c'est la Ligue des droits de l'homme, Françoise Dumont, qui s'exprime. Quand on a vu leurs tracts et revendications sur la sécurité, on n'était pas forcément d'accord. On a donc du mal à soutenir à 100% une manifestation où il y a un mot d'ordre d'appel à plus de vidéosurveillance, par exemple. Donc en fait, ils ont du mal à soutenir plus de sécurité, quoi. Je pourrais continuer comme ça parce que en fait, tout le topo sur les associations présentes. Mais c'est en gros, je voudrais juste ajouter, Gandalf, comme on me dit dans le chat, effectivement, les Asiatiques ne pèsent rien sur le plan électoral. Ceci explique cela. Ils pèsent rien sur le plan, voilà. Et en plus, leurs thématiques sont des thématiques de droite. Objectivement, je veux dire, que, peu importe. Bien sûr. Plus de sécurité, plus de vidéosurveillance, c'est des gens, ouais, ils sont très pragmatiques. Ils sont en but à la violence afro-maghrébine, afro-musulmane. Bon, il n'y a pas de quoi gratter, quoi. Donc, pas étonnant que le MRAP, les cocos du MRAP, excités par l'odeur du sang, aient fait demi-tour, que la Ligue des droits de l'homme qui tapine pour les musulmans ait fait demi-tour, que SOS Racisme, qui est toujours là pour essayer de faire voter les bougnoules, ait fait demi-tour, etc. Enfin, c'est évident. Je veux dire, les Asiatiques sont pas intéressants. Pourquoi? Parce que leurs préoccupations sont des préoccupations conservatrices. Voilà. Demander à la police de protéger mon commerce. Mettez de la vidéosurveillance, etc. Donc on est très loin voilà, des idéaux gauchisants, de tous les neuneux de la mouvance anarcho-communiste. Pour bon, ceux qui croiraient encore que les associations antiracistes sont des bons samaritains qui luttent pour le bien, bah, réveillez-vous. Ouais, c'est clair. On va conclure là-dessus. Si vous voulez rajouter un mot de la fin. Moi, juste, je me dis que quand on voit l'actualité, on a encore quelques sujets d'émissions de radio devant nous. Je ne sais pas ce que la semaine prochaine va nous réserver, mais j'ai bien peur que ça ne soit pas encore très jojo et on n'est plus surpris de rien. Donc, bah, la prochaine fois, avec plaisir. Merci. D'autres personnes vont réagir ? Non ? Ah, comme le disait Mathilde, oui, c'est vrai que l'actualité nous permet d'avoir quand même pas mal de sujets de conversation au cours de cette émission. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on fait des constats apocalyptiques, mais... il faut aussi prendre en compte le fait que grâce à ça, ça réveille notre population. De toute façon, on ne réveillera nos compatriotes que quand ils se prendront des coups de pied au cul, des coups de surin, des bombes sur la gueule. On s'aperçoit que voilà, le réveil salutaire ne passera que par un réveil violent qui sera, on peut compter sur eux, effectué par les Afro-Maghrébins qui sont de plus en plus décomplexé, avec un État qui ne maîtrise plus rien, ça, il faut bien prendre ça en compte aussi. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas perdre espoir. Là, il y a certains de nos compatriotes qu'on imaginait complètement acquis ou résignés qui commencent à se réveiller. Donc, je pense qu'il est nécessaire de systématiquement revenir sur tous les faits divers qui nous affligent, toute cette merde et tout ce magma de merde qui nous dégouline dessus, qui est aussi entrepris par nos gouvernants. Il y aura une réaction, quand, je ne sais pas, mais c'est justement en maintenant la flamme qu'il y aura une réaction et en maintenant la réinformation. Tout à fait, Argaï, c'est exactement ce que dit Zemmour quand il fait ses conférences. Il termine par ça, il dit oui, un jour on se réveillera, il y aura peut-être même un homme providentiel, mais je ne peux pas vous dire quand. Putain, merde, Argaï, là. Est-ce que Argaï serait Eric Zemmour? Ah non, je ne suis pas Eric Zemmour, désolé, ce sera le dernier scoop reconnu de l'émission, c'est, voilà, j'avoue, je ne suis pas Eric Zemmour. Ah, bon, on a pris un scoop. Allez. Chers amis, à la semaine prochaine pour une prochaine émission, et je vous assure que ça sera aussi dense et aussi pêchu. À bientôt. À bientôt, chers amis. Bonjour. Le bateau vient juste d'accoster, encore une belle fournée, elle va bientôt s'installer. La diversité, ils viennent reconstruire l'Occident avec leurs femmes et leurs enfants, sans oublier de s'intégrer aux braves immigrés. Elle vient guérir toutes nos douleurs, il nous faut toutes ses couleurs, l'ami de la France métissée, la diversité.